C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Raphaël Lessard, probablement le prochain, la future vedette du Québec en course automobile, a signé la semaine dernière un contrat à NASCAR camionnette pour la saison complète, ce qui veut donc dire qu'on va le voir à temps plein dans l'antichambre de la série NASCAR Monster Energy. Et on lui parle. Salut Raphaël! Salut, ça va bien? Ça va bien. Raphaël, écoute, c'est une bonne nouvelle dans le fond, là, parce qu'à 18 ans, t'as connu une bonne saison, t'es allé à ARCA, je t'ai vu aussi, ça a quand même bien été en ARCA. Là, le fait d'aller en camionnette à une saison en entier, certainement que ça va exactement dans ton programme de développement que tu voulais. Bon, oui, c'est sûr. C'est un rêve qui devient réalité. Les dernières années, on a travaillé extrêmement fort pour atteindre ce point-là et ce niveau-là. Mais c'est grâce à des personnes qui ont investi beaucoup de temps et d'argent en moi et qui m'ont aidé à se rendre à ce point-là, vu que c'est un sport qui est très dispendieux, mais j'ai une très bonne équipe qui m'appuie derrière moi. Cette année, j'ai fait le mieux que je pouvais avec les courses que j'ai faites. J'ai fait 5 courses dans les camionnettes pour 3 pour Carbush Motorsport et 2 pour David Gehan Racing. Okay. Je pense que les 3, je progressais assez rapidement. Puis on a eu des bonnes courses pas mal à toutes les fois que j'étais derrière le volant d'une camionnette. Ouais. Puis je pense que ça les a prouvé que j'avais ma place dans cette série-là contre les meilleurs. Okay. Et c'est ça qu'on va faire l'année prochaine. Raphaël, dis-moi, l'argent, c'est toujours un mot où tu as dit problème en course automobile. Il y a plusieurs, je pense entre autres à Andrew Ranger, je pense à Marc-Antoine Camiran, des coureurs automobiles qui avaient vraiment, Michael Grenier, qui avait du potentiel, mais ça a été la mot à dit argent qui a fait en sorte qu'ils ont dû mettre un terme à leur carrière. Le fait d'être dans l'écurie de Kyle Busch, c'est un nom, tout le monde connaît Kyle Busch, là, même si tu ne suis pas vraiment de NASCAR, tu connais Kyle Busch. Est-ce que ça t'assure vraiment, là, ce problème-là est réglé ou faut que tu emmènes de l'argent pareil? Oh, c'est jamais réglé à ces niveaux-là. Tu sais, faut toujours que tu emmènes une partie, mais j'ai la chance d'avoir un support aussi de Toyota plus que jamais aux États-Unis. Ouais. Fait que ça l'aide énormément. TRD, il m'a plu beaucoup plus qu'avant. Fait que je pense que j'ai cette chance-là, puis je vais tout faire pour essayer d'apprendre plus d'expérience l'année prochaine, puis m'améliorer le plus rapidement possible, parce que ça va être beaucoup de nouveau pour moi. Tu sais, les super speedway comme Daytona, les pistes d'un mille et demi, c'est beaucoup d'aérodynamique. Ça touche beaucoup à... On draft comme à Daytona, on draft avec les autres. Les pistes d'un mille et demi sont sensibles à l'appui aérodynamique et tout ça. Fait que ça va être de quoi apprendre assez rapidement. Mais je suis pas inquiet, tu sais, je vais avoir une des meilleures équipes dans le circuit, puis je vais pouvoir m'appuyer sur leurs conseils pour m'améliorer. OK, Raphaël, si on parlait, est-ce que le fait que tu es Canadien, est-ce que ça a nuit? Parce que tu as dit, j'ai beaucoup de support du côté américain, du côté Kyle Busch, du côté Toyota, mais il me semble que les Américains sont très, très chauvins. Tu as été chanceux de ce côté-là? Mais ça dépend. Tu sais, moi, ça fait quand même longtemps que je cours contre eux aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Fait que je pense que j'ai gagné leur respect au fil des années, mais là, ça va être d'essayer de gagner leur respect l'année prochaine dans les camionnettes. Mais tu sais, je veux pas être vu comme un Canadien, je veux être vu comme un pilote comme les autres qui s'en vient ici pour essayer de compétitionner pour un championnat puis essayer de les battre, dans le fond, c'est ça le but. On veut gagner. C'est un championnat. Je connais pas personne qui va faire un championnat pour finir deuxième. Fait que, ouais. On va essayer de prendre beaucoup d'expérience, mais aussi d'avoir des bons résultats puis de s'améliorer à toutes les fins de semaine. La différence entre une camionnette un bolide, c'est une grosse différence? Il n'y a pas une grosse différence. La plus grosse différence, c'est surtout avec l'appui aérodynamique, parce que, okay. Tu sais, une camionnette, t'as comme une boîte en arrière, là, tu sais, c'est pas mal différent qu'une voiture, puis ça a un petit peu plus d'appui aérodynamique, okay. Fait que c'est encore plus sensible quand tu suis quelqu'un sur les grandes pistes. C'est pas mal sensible, faut que tu trouves de l'air, de la clean air, comme ils appellent. Ouais. Faut que tu essaies de trouver ça derrière les autres. Fait que c'est ça qui va falloir que j'apprenne l'année prochaine, parce que tu sais, les gars comme Matt Crafton qui a gagné le championnat cette année, il a 43 ans, je pense, ça fait au-dessus de 10 ans qu'il est dans cette série-là. Fait qu'il a énormément d'expérience. Fait que ça va juste essayer d'apprendre de ces gars-là, puis de juste devenir de mieux en mieux à toutes les fois sur la piste. Y a-t-il des écuries, y a-t-il des essais privés qui vont se faire cet hiver? Ça dépend toujours, parce que NASCAR ont mis des questions, okay. monétaires. Ouais. Ils ont mis des règlements que tu peux pas tester plus que, je pense, c'est 4 fois par année. Fait que, tu sais, on va essayer d'aller faire des essais à des places stratégiques qui vont pouvoir nous aider. Pas rien qu'à une place, il y a des pistes qui se ressemblent, fait qu'on va essayer d'aller tester à des places qui vont nous aider à plusieurs endroits. Puis si c'est aussi pour faire des essais de d'autres choses quand on va prendre ces tests-là. Quand on a de quoi de nouveau qu'on va essayer, une fin de semaine de course, souvent on n'a pas ben de temps. Non. Mais quand on va faire des jours de tests, ben là, on a bien plus le temps de passer puis d'analyser toutes les datas, les systèmes informatiques et tout ça. Fait que c'est surtout on va prendre des tests pour faire des essais, puis aussi d'essayer juste de s'améliorer puis de créer une chimie encore plus. OK. Si on parlait un peu de l'implication d'Alain Labrosse. Alain Labrosse, qui est l'ancien agent de Patrick Carpentier, il disait en fin de semaine, je vois beaucoup de Patrick Carpentier dans Raphaël Lessard. Est-ce que lui, c'est quoi son mandat? C'est-tu de trouver d'autres commanditaires au Québec, au Canada? C'est quoi? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'expérience là-dedans. Ouais. Tu sais, Alan, ça fait longtemps qu'il est dans le sport automobile. Puis c'est sûr que il va pouvoir nous aider de ce côté-là, d'aller chercher des partenaires, d'autres personnes pour nous appuyer dans cette aventure-là. Mais il y a aussi que, tu sais, on a travaillé la dernière année avec Chris Bybee, un agent aux États-Unis. On travaille encore avec lui. On a fait beaucoup de chemin. Mais là, il nous manquait comme une personne au Québec. Tu sais, Alan, il est bilingue. Il parle très bien l'anglais. Puis il est très bon dans les négociations avec les équipes puis toutes ces choses-là. Fait que il va être capable de travailler avec Chris aux États-Unis. Puis ça va nous aider énormément. Parce qu'il va emmener d'autres idées, d'autres points de vue. Parce qu'avec toute son expérience, puis aussi... c'est comme un peu la pièce d'un casse-tête qui nous manquait, là. OK. Dis-moi, est-ce que du côté des commanditaires au Québec, est-ce que c'est mieux que c'était, ou c'est encore très difficile? Ben, c'est encore très difficile, mais j'ai la chance d'avoir des partenaires qui sont très généreux avec moi. J'ai Société Louis-Jacques qui était sur ma voiture en NASCAR Penties, okay. Les 2 fois cette année. J'ai Carole Lagacé, qui a Béton Lagacé à Québec, qui est aussi son frère Pierre Lagacé qui m'aide là-dedans. J'ai Lave Équipement, LAV Équipement. Ça aussi, ils m'aident énormément. Sam du Camion Boss. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui m'aident, puis on en a toujours besoin de plus, ouais. Pour nous aider là-dedans, pour en faire plus. Mais là, on a signé pour 23 courses, puis on va en faire 23. Fait que on est prêt, on a hâte que ça commence, mais tu sais, on a toujours besoin quand même de l'aide financière. Ben oui, même si on a signé pour les 23 courses, tu sais, si on peut en faire plus, puis je peux m'améliorer, passer encore plus de temps derrière le volant, ben ça va être encore mieux pour ma saison. Ouais. Raphaël, est-ce que tu donnes combien de temps, là? Parce que là, c'est sûr, tu vas être en truck l'année prochaine. Est-ce que tu donnes Tu vas courir en Infinity. Oui, c'est ça, NASCAR, l'ancien Nationwide, c'est ça, c'est Infinity. Est-ce que tu entends courir en Infinity ou en Pinty? Ça, c'est la série Canadian Tire. Au moins une coupe de course? Ben, c'est sûr que si l'opportunité vient, ben, c'est sûr que ça serait le fun de courir, de faire une course en Pinty ou deux cette année. Mais on va se concentrer à 100% sur le championnat à Troc. OK. Mais aussi, tu sais, on dit jamais non à une opportunité. Puis l'Infinity? Comme la Xfinity, ça serait vraiment plaisant d'avoir. Ouais. Si on a une opportunité d'avoir un volant là-dedans, ben, c'est sûr, plus que, tu sais, dans mon livre à moi, ma prochaine étape après les pick-up, si tout se déroule bien, c'est j'ai une bonne saison et tout ça, c'est la Xfinity. Ouais. Fait que ça serait bon que je l'essaye à un moment donné pour voir c'est quoi et être prêt mentalement si on fait le saut dans les prochaines années dans cette série-là. Ben. Mais tout va dépendre de comment va la saison cette année. Si je vais tout donner puis je vais tout faire pour que ça aille très bien. Fait que si ça va très bien, ben ça devrait regarder bien pour 2021. Ben, c'est ça ma prochaine question. Là. Et tu donnes combien de temps pour atteindre la grosse série Monster Energy? Ça dépend toujours des saisons. Là. Ouais. Comme l'année prochaine, on va avoir une bonne saison. Fait que tu sais, la prochaine étape après les pick-up, c'est l'Xfinity. Mm. Après ça, t'as l'Xfinity, il y en a qui restent là deux ans. Il y en a qui font 2 ans, comme Christopher Bell, il a fait 2 ans. Puis là, ils viennent signer un gros contrat en NASCAR Monster Energy, la grosse série. Fait que tu sais, c'est. On peut pas trop dire de numéro, ouais. d'années, de nombre d'années, combien de temps. Ça va se faire comme ça va se faire, puis si ça va arriver, ben ça va arriver. Mais on va travailler très fort pour ça. OK. Dernière question. Moi, je me rappelle de toi, là, la fois que j'avais fait ton entrevue, tu avais 15 ans ou 16 ans. La première entrevue que tu avais faite, tu as 18. Tu fais quoi? Est-ce que l'hiver comme ça, là, tu fais quoi? Est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que t'as seulement 18 ans? Ou tu consacres strictement à ta carrière de coureur automobile? Ben là, comme ma saison va commencer en février, le 14 février, puis je vais déménager aux États-Unis en janvier. Okay. Fait que je vais aller rester là-bas à temps plein, à Mooresville, en Caroline du Nord. Fait que, tu sais, la course automobile va me demander énormément de temps, puis c'est une chance que j'ai dans une vie qui arrive pas souvent, puis il faut que je la prenne au maximum. Fait que j'ai l'intention de me concentrer là-dedans le plus possible. Puis quand que je suis au Québec, comme en ce moment, ben je travaille pour mon père qui a la compagnie FRL Express. Un de mes meilleurs partenaires depuis que j'ai commencé. Ben oui. Mes parents ont fait énormément de sacrifices pour que je sois là. Puis dans le fond, moi j'ai tout le temps aimé tout ce qui était camion. J'ai grandi autour d'une compagnie de transport. Fait que là, j'en apprends de plus en plus côté business à mon père. Puis je travaille pour lui pas mal tout le temps, ces temps-ci. Puis l'hiver surtout, quand on a une compagnie de transport avec des trailers comme ça, on n'a pas le choix de déneiger les toits de trailers. Fait que ça, c'est moi qui est en charge de faire ça l'hiver. Oui, effectivement. Ben, Raphaël, merci beaucoup. Je trouve ça plate que les médias t'ont pas mal boycotté au Québec. Hein. Je pense que tu as donné des entrevues à choix, puis en Beauce, mais à Montréal, on t'a pas entendu beaucoup. Puis pourtant, c'est une nouvelle majeure, là. Ça dépend toujours. Il y en a qui. Tu sais, il y en a qui sont toujours bien gentils, puis qui veulent m'aider dans le fond, puis qui, à toutes les fois que j'ai des bonnes nouvelles, ils passent, puis qu'ils m'interviewent. Puis il y en a d'autres, des fois, ça arrive plus rarement, mais c'est pas grave. On les en veut pas. On remercie les autres qui m'aident et qui me donnent de la visibilité. Ben Raphaël, merci beaucoup. On va te suivre l'année prochaine. C'est sûr que c'est pas évident de suivre parce que les courses NASCAR en truck, je me semble, sont pas télédiffusées ou quelques-unes à Fox, mais on va te suivre pareil. Ben, la plupart sont à Fox. Ben, ouais. Elles sont toutes à Fox. Mais l'année prochaine, on travaille pour qu'ils soient à RDS. Ça serait plaisant. Ça serait très, très bon. Raphaël Lessard, gros, gros merci. On s'en reparle. Ben, gros merci. Raphaël Lessard qui va courir en NASCAR en truck, la série antichambre, la série NASCAR Monster Energy.